Avec le temps tout s'en va, c'est pareil pour ma refrain, mon jour viendra. Une fois là-bas, j'espère être fier de toi, mais pour l'instant je suis là. Tous les mêmes combats, c'est tous les mêmes débats, tous les mêmes tracas, c'est toujours les mêmes blabla. Maintenant je vois, ce que j'ai pu ignorer, négliger, je vois le bien que j'aurais pu faire autour de moi. Je vois la haine qui sommeille en l'homme. Maintenant j'ai soif, quoi? N'ai-je pas le droit de tout raser? Moi le fou du bout du monde, je compte jusqu'à 3 et encore. J'en laisserai pas le temps, mentir encore quand je tourne le dos. Je laisse tout ça au passé, j'en ai assez. Demande à tous mes homeboys, quand rien ne va je prends un sac, je cogne. Au lieu de perdre mon temps à me faire chier, lever le pied, penser à autre chose. Ça j'ai appris avec le temps. De temps en temps je change d'ambiance, tu vois du genre libre, sans se poser de questions. Mais attention ne pas déborder, sinon t'auras besoin de quelqu'un pour te border. Arrête de foncer, ma pensée est longue, mais j'écris pas de livres. Le reste t'apprendras avec le temps. Demande à Didi Diz comment endurer pour arriver jusque là. Maintenant tu vois, maintenant je avec vois. Avec le temps tout s'en va, c'est pareil pour ma refrain, mon jour viendra. Une fois là-bas, j'espère être fier de toi, mais pour l'instant je suis là. Tous les mêmes combats, c'est tous les mêmes débats, tous les mêmes tracas, c'est toujours les mêmes blabla. Avec le temps la horde s'organise, les objectifs se concrétisent, les bandes s'improvisent. Dans la rue l'ambiance se corse, y'a pas de détour, pas de contour, que des comptes à rebours. Pour une réputation les mots se fritent, les principes s'effritent. Devant l'adversité, les caractères se durcissent. Sans compromis, sans préavis, les rivalités s'attisent. Tu ne deviens plus qu'un sursis, condamné à errer dans des affaires mal parées. Va falloir assurer, maîtriser ses arrières, concevoir et faire barrière, entrevoir la manière, lutter, rester fier, lutter, rester fier, rester fier. Avec le temps tout s'en va, c'est pareil pour ma refrain, mon jour viendra. Une fois là-bas, j'espère être fier de toi, mais pour l'instant je suis là. Tous les mêmes combats, c'est tous les mêmes débats, tous les mêmes tracas, c'est toujours les mêmes blabla. On est là à parler, parler, propre expérience, on couvre des années. On prend des pauses qu'on ne mérite pas, des portes closes, des corps moroses. Atteindre le déclic, jouer avec les flics, rien de tout ça paie, combien dans tout ça aime ce qu'ils font. Vivre une passion à fond, faut pas se branler, il faut y aller. Tourmenter beaucoup le son, cherche toujours à comprendre le pourquoi du comment. Un besoin d'apprendre, prendre les choses à cœur. Celui qui t'enlève le pain de la bouche veut survivre. S'il ne mange pas, il se couche, et s'il se couche et il voit rouge, ne prend même plus de douche. Ce qui l'intéresse c'est de comment faire pour fuir. Avec le temps tout s'en va, c'est pareil pour ma refrain, mon jour viendra. Une fois là-bas, j'espère être fier de toi, mais pour l'instant je suis là. Tous les mêmes combats, c'est tous les mêmes débats, tous les mêmes tracas, c'est toujours les mêmes blablas.